Comment dit-on acheter? Kaufen. Kaufen, mm-hmm. Et comment direz-vous je l'achèterai au conditionnel, comme dans si je pouvais, je l'achèterai. Je l'achèterai? Ich würde es kaufen. Bien. Ich würde es kaufen. Et si maintenant vous vous placez dans le futur, comment direz-vous je ne l'achèterai pas? Vous êtes déterminé à ne pas l'acheter. Je ne vais pas l'acheter. Ich werde es kaufen. Je ne l'achèterai pas. Ich werde es nicht kaufen. Ich werde es nicht kaufen. Bien. Et comment dira-t-on ce serait possible de le faire? Es würde möglich sein. Es würde möglich sein. De le faire? Es zu tun? Parfait. Es würde möglich sein, es zu tun. Car je ne suis pas très occupée aujourd'hui. Denn? Je ne suis pas très occupée aujourd'hui. Denn ich. Denn ich bin nicht sehr beschäftigt. Bien. Aujourd'hui. Heute. Bien. Denn ich bin nicht sehr beschäftigt heute. Et maintenant, comment diriez-vous la même phrase, mais avec weil? Parce que je ne suis pas très occupée aujourd'hui. Le verbe bin va à la fin. Weil ich. Bien. Aujourd'hui? Heute nicht sehr beschäftigt bin. Oui, weil ich heute nicht sehr beschäftigt bin. Continuons. Et parce que je peux le faire aujourd'hui. Und weil je peux le faire aujourd'hui. Und weil ich es aujourd'hui heute tun kann. Bien. Und weil ich es heute tun kann. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Ich werde es heute nicht tun. Ich werde es heute nicht tun. Ich werd's heute nicht tun. Et comment direz-vous parce que je ne le ferai pas aujourd'hui? Weil ich es nicht heute tun werden. La phrase était ich werd's heute nicht tun. Donc avec weil, elle devient weil ich es heute nicht tun werde. Revenons au conditionnel. Comment diriez-vous si je pouvais, si j'avais le choix, etc., je ne le ferais pas aujourd'hui. Je ne le ferais pas aujourd'hui. Ich würde es heute nicht tun. Ich würde es heute nicht tun. Et comment diriez-vous, toujours au conditionnel, parce que je ne le ferai pas aujourd'hui? Weil ich es heute nicht tun würde. Je le ferai au conditionnel tun würde. Et comment dira-t-on toujours au conditionnel parce que je n'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui, c'est-à-dire parce que je n'aurai aucun temps. Weil ich aujourd'hui. Heute. Je n'aurai pas le temps. Je n'aurai aucun temps au conditionnel. keine Zeit haben würde. C'est ça. Weil ich heute keine Zeit haben würde. De le faire? Es zu tun. D'accord. Weil ich heute keine Zeit haben würde, es zu tun. Ou, weil ich keine Zeit haben würde, es heute zu tun. Les deux sont possibles.